Parole de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bienvenue dans Parole de comptoir. Dans cette émission, on discute d'un thème sociétal à travers trois questions. Une question philosophique, une question sociologique et une question juridique. Aujourd'hui, c'est un sujet qui touche tout le monde en France. C'est le droit au travail. Donc c'est pas le code du travail, hein, c'est vraiment le droit à un travail. Le droit de travailler ou de ne pas travailler, le droit de choisir son travail, ou alors est-ce qu'on le subit? Aujourd'hui, nous accueillons Lucie Bigorgne, juriste doctorante en droit social, qui fait une thèse. Je te laisse te présenter. Bonjour, c'est Lucie. Donc effectivement, je suis juriste doctorante au sein d'un cabinet d'avocats, et donc je réalise une thèse axée sur le droit au travail, justement. D'accord. Est-ce que tu peux un peu expliquer juste de manière générale ton thème ou pas? Oui. À travers ma thèse, je vais étudier le fait que est-ce qu'en fait un droit au travail existe ou non en France, également à l'étranger. Donc il y aura un petit peu de droit comparé et voir l'avenir en fait de ce droit. D'accord. Bah, c'est parfait pour notre thème aujourd'hui. Mmh, exactement. Nous accueillons également Anas Bedjadi, psychologue du travail au sein de la métropole du Grand Nancy. Je te laisse te présenter. Oui, merci. Du coup, Anas, moi, ça va faire un petit peu plus de 3 ans maintenant que je suis psychologue du travail, actuellement dans la métropole du Grand Nancy. Mais avant, j'étais dans le privé, dans un cabinet de conseil qui me faisait intervenir auprès de plusieurs types d'entreprises. Aujourd'hui, dans mon poste, la raison d'être de cette création de poste, c'est de pouvoir accompagner les collectifs de travail à plusieurs niveaux, dans un premier temps vraiment très en amont sur de la prévention au travail, pour pouvoir anticiper sur les conditions de travail, travailler aussi pendant qu'il peut y avoir des problématiques, notamment des conflits, et sur après, c'est-à-dire comment développer des compétences pour que les personnes puissent gérer leurs problèmes un petit peu toutes seules. D'accord, très bien. Bon, vous rentrez tous les deux dans le thème. Alors, je vais commencer par des questions pour vous. Alors déjà, aimez-vous votre travail ? Alors moi, oui, évidemment, j'aime ce que je fais. Je me vois faire ça un bout de temps. Ouais, j'apprécie vraiment le côté à la fois pratique et théorique, dans la mesure où pratique, je suis aux côtés des employeurs et des salariés pour tous les litiges qu'ils vont rencontrer dans le cadre du travail, et théorique, évidemment, dans le cadre de la thèse. D'accord. Et tu trouves donc du sens à ton travail ? Oui. Et tu l'as choisi ? Oui, d'accord. Exactement. Anas ? Ouais, je m'éclate bien dans mon travail aujourd'hui, donc je pense que je peux dire que je suis assez heureux là-dessus. C'est aussi un avantage de pouvoir travailler en entreprise directement, même en collectivité. Ça, pour le côté pluridisciplinaire, c'est vrai que je ne vais pas intervenir tout seul dans mon travail, même si je peux être le seul psychologue, par exemple, de la collectivité sur cette thématique. Pouvoir travailler en équipe, c'est assez, assez apaisant là-dessus. Et est-ce que tu as choisi la spécialité travail ? Parce qu'en psychologie, tu as différentes spécialités. C'est ça, comme tu dis, on a pas mal de spécialités, donc oui, c'est un vrai choix. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que je sais que j'avais fait ce choix pour pouvoir aider un maximum de personnes. Je me retrouve plutôt bien dans ce que j'espérais là-dessus. Et est-ce que vous identifiez par votre travail ? Est-ce que pour vous, c'est une partie de votre identité ? Alors moi, je dirais que je me définis pas par mon travail intégralement. Alors évidemment, ça occupe une grande partie de ma vie, c'est-à-dire qu'on y passe quand même un temps fou. Donc évidemment, ça va nous définir un petit peu, mais je pense à une phrase qui est tirée de Lavard, où il dit, voilà, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et donc ça me faisait penser, dans le cadre du travail, il faut travailler pour vivre, mais il faut pas vivre pour travailler. Oui, c'est vrai. Et toi, Anas ? Là-dessus, je te rejoins, c'est-à-dire que là-dessus, le travail peut soit être un moyen d'atteindre quelque chose, ou alors une finalité pour certains. À ce niveau-là, je dirais que moi, le travail me définit en partie, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps, on en parle beaucoup, et ça vient très vite quand tu te présentes finalement le travail. Quand tu rencontres quelqu'un, tu cherches assez rapidement à savoir quel métier il peut faire. En discutant, donc dans une discussion, ça vient vite. La première chose qu'on demande quand on apprend à connaître une personne, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et tout de suite, c'est « Ah bah, je sais pas, je suis juriste » ou tout ça. Exactement. Ça me permet de rebondir sur la question philosophique, et pour rejoindre ta citation, souvent on parle de travail alimentaire ou tout ça. Donc la question, de manière générale, c'est « Le travail forge-t-il l'identité d'un individu ?» Mais donc, est-ce que le travail va forcément définir un individu ? Oui, non. Mais plus spécifiquement, est-ce qu'il est nécessaire de travailler pour trouver un épanouissement personnel, ou alors c'est plutôt une injonction de travailler imposée par notre société pour pouvoir survivre ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse figée, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas pareil, donc forcément on va pas prendre les mêmes critères pour définir notre identité. Il y en a qui seront plus famille, par exemple, qui auront des proches en mauvaise santé dont ils doivent s'occuper, etc. On en reparlera. Donc forcément il y a des critères qui vont définir plus ou moins notre identité. Évidemment que le travail en fait partie, mais je pense que ça dépend un petit peu des gens. Et après, sur la question de la reconnaissance, oui. Je pense que la reconnaissance, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur dans notre société, c'est-à-dire que les gens travaillent, ont besoin quand même de se sentir reconnus à travers leur travail. Est-ce que, par exemple, toi, à travers ton expérience de juriste, est-ce que tu sens que les salariés, ils ont un besoin, en effet, de reconnaissance au travail pour être bien dans leur vie privée également ? Oui, je pense. Et oui, de oui, trouver un sens aussi ? Oui, ouais, ouais, c'est quand même un truc qui prend vachement d'ampleur, le fait de relier en fait le travail avec une activité utile, en fait, où on se sent utile. Ouais, donc je pense que oui, que les salariés, en tout cas, ont besoin de reconnaissance, et ce qui est normal. Donc finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même moins attaché à simplement recevoir une rémunération ? Ouais, je pense, en tout cas. Après, évidemment, il y a des salariés qui vont se dire ben, « je vais bosser », mais c'est vraiment alimentaire, effectivement. Et il y a des gens qui auront besoin plus ouais, de trouver un sens à ce qu'ils font, au-delà du côté alimentaire qui est quand même essentiel. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même nécessaire pour subvenir à nos besoins. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on travaille que pour trouver un sens, c'est aussi alimentaire. Ouais, évidemment. Mais par exemple, Anas, dans le cadre des salariés que tu accompagnes, est-ce que une personne qui fait que un travail pour à but alimentaire, est-ce que tu sens qu'il est malheureux dans son travail, dans sa vie, ou moins performant ? Ou alors, il arrive à prendre la distance et c'est OK ? Non, là-dessus, la réponse est assez claire pour moi. C'est non, il n'y a pas besoin de chercher un certain épanouissement dans le travail. Des personnes qui vont avoir un objectif d'avoir un travail que alimentaire vont généralement trouver un sens différent dans le temps libre qu'ils vont avoir. Je pense notamment aux personnes qui peuvent avoir des rythmes de travail assez différents, des horaires de bureau. Des personnes qui vont travailler en 2-8, en 3-8, de nuit ou de matin, ils vont trouver vraiment un épanouissement dans ce rythme où ils vont avoir une demi-journée entière de libre, ils vont vivre dans un autre rythme et ils savent que, ok, je vais juste enchaîner mon travail, mais après mon travail, c'est ma vie qui commence. Et il n'y a pas de particularité là-dessus, c'est des gens qui s'éclatent bien, qui sont très heureux. Et qui développent aussi d'autres sphères sociales, sportives, mais qui n'ont pas besoin d'une certaine intellectualité dans le travail non plus. Donc ça veut dire que, parce que par exemple pour moi, il faut forcément que je trouve un sens à mon travail, c'est une évidence, mais je comprends aussi que des personnes soient très heureuses au travail sans trouver de but à un épanouissement personnel. Après, je pense que ce ne sera pas forcément dans le sens on cherche un sens intellectuel à ce qu'on fait, mais aussi en fait, le fait d'être utile quoi, pour la société. Des fois, c'est valorisant pour la personne qui travaille. Et est-ce que vous sentez que, donc, toi tu parles d'échelle sociétale, mais à l'échelle de l'entreprise, peut-être aussi que le fait que ça se passe bien dans l'entreprise, ça encourage des personnes qui n'ont pas des métiers faciles à se donner, même s'ils n'y trouvent pas forcément un sens. Enfin... Ouais, évidemment, bien sûr, je suis d'accord. Au travail, là-dessus, pour compléter ce qu'on voit dans les études de psycho aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de trois choses pour être plutôt bien un équilibre au travail. On a besoin de compétences, d'autonomie et de soutien social, notamment de reconnaissance. Et cette sphère-là, c'est ce qui permet vraiment de tenir le travail, même quand on est dans de mauvaises conditions, on va dire. Avoir ce côté reconnaissance ou soutien social, ça permet vraiment de favoriser l'épanouissement et l'équilibre en termes de motivation au travail. Donc, c'est important qu'un employeur soit vigilant à ces thématiques. Et par exemple, au sein de ton employeur, est-ce que ça se passe comme ça ? Est-ce que vous favorisez ces mécanismes-là et comment ça se manifeste ? On y tend là-dessus. Par exemple, en psycho du travail, on travaille beaucoup sur une thématique qui s'appelle les risques psychosociaux. Rapidement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Ouais, en une phrase, les risques psychosociaux, c'est ce qui prend pour origine l'organisation du travail et qui peut être source de tension pour le collectif de travail ou les personnes en individuel. Et là-dessus, dans les thématiques, et ça c'est un consensus scientifique en France qui se basait là-dessus, qui a élaboré plusieurs critères, et il y a notamment un des critères qui est la reconnaissance au travail et le sentiment d'utilité. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a vraiment des marges de manœuvre et qu'on peut mesurer avec des indicateurs également scientifiques qui ont été développés notamment par l'INRS, par exemple. Donc l'INRS ? Institut National de la Recherche et de la Santé. D'accord. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des obligations pour l'employeur en matière de sécurité. Ouais, bien sûr. De santé mentale. Ouais, exactement. Il a en fait une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés, donc protéger, préserver leur santé. Effectivement, maintenant, il y a ce côté aussi santé mentale qui joue beaucoup. Peut-être moins avant, enfin c'est sûr. Maintenant, voilà, l'employeur a l'obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Alors, c'est une obligation maintenant qu'on appelle de moyens renforcés. Donc ça veut dire que l'employeur doit tout mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Évidemment, le risque peut se produire. Il y a un dommage qui peut en découler. Mais si l'employeur a tout mis en œuvre, il pourra éventuellement voir sa responsabilité limitée. Mais évidemment, il peut y avoir du développement, par exemple, d'accidents du travail, de maladies professionnelles du côté des salariés. Est-ce que par exemple, comment dire, se sentir mal au travail par le harcèlement ou par... Ouais. Est-ce que ça peut être considéré comme une maladie professionnelle qui peut être pris en charge par la sécurité ouais. sociale? Alors en fait... Est-ce que c'est facile à faire reconnaître? C'est assez compliqué dans le sens où en maladie professionnelle, il y a les tableaux où il y a une présomption, si en fait tu remplis les critères, que la maladie est reconnue d'origine professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est en lien avec ton travail. Il y a aussi les maladies qu'on appelle les maladies hors tableau. Là, il faut remplir plusieurs conditions et il y a un comité qui va se prononcer sur le fait est-ce que la maladie est reliée ou non au travail. C'est le cas notamment pour tout ce qui est risques psychosociaux, donc notamment burn-out, syndrome antidépressif, etc. Exactement. Et donc là, c'est plus compliqué à faire reconnaître. C'est possible, mais la phase de démarche, enfin la démarche sera beaucoup plus compliquée. Et plus longue, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et l'employeur, est-ce qu'il peut anticiper par lui-même, par diverses actions qu'il peut mettre en place pour anticiper justement ces risques psychosociaux à travers, je sais pas, des questionnaires? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés mettent en avant les effets néfastes du travail sur leur santé mentale. Mmh. Des burn-out ou des bore-out, donc l'ennui au travail, comme on parle de bullshit job, etc. Ouais. Ils n'arrivent plus à s'épanouir dans leur travail, ils s'ennuient et ils finissent en arrêt de travail et ils disent que c'est à cause un peu du manque de sens dans leur travail. Comment l'employeur peut se saisir de ces problématiques pour éviter tout ça? Là-dessus, si je peux me permettre de compléter, c'est clairement la définition de prévention. C'est-à-dire comment, en amont, on peut anticiper l'exposition au risque de nos salariés en tant qu'employeur. Et là-dessus, effectivement, il y a l'obligation légale en France que tout employeur doit connaître les risques auquel est exposé son salarié. Autant les risques physiques, je vous prends un technicien, un ouvrier dans le bâtiment, est-ce qu'il porte bien ses EPI? C'est la première chose auquel on va penser. Mais c'est plus facile. C'est plus facile, parce que c'est ce qu'on appelle les risques visibles. Mais aujourd'hui, par exemple, les risques invisibles, notamment sur qui impactent la santé mentale, du coup les risques psychosociaux, les RPS que je vous présentais tout à l'heure, c'est plus des risques invisibles. Le mal-être, le stress, la tension, les conflits, même si cela peut être un petit peu plus visible. Mais du coup, on peut agir dessus. Quand je vous ai expliqué ma définition des risques psychosociaux, c'est qu'est-ce qui ça prend pour origine l'organisation du travail. Et ça, là-dessus, l'employeur, il a la main sur l'organisation du travail. C'est lui qui définit les règles à tenir et la manière de faire le travail. Donc, à partir de là, s'il y a des systèmes de prévention qui sont assez bien rodés, avec des personnes qui sont bien sensibilisées à ces thématiques, on peut pouvoir anticiper les différents risques auxquels peuvent être exposés, et du coup, éviter de générer des situations de tension. Ça, c'est dans la théorie. Oui, en pratique, ça se passe comment? En pratique, on va avoir trois niveaux de prévention. Le premier, c'est la prévention primaire, c'est pouvoir anticiper un maximum, mettre en les bonnes conditions de travail pour éviter de générer des risques. Et ça se traduit comment, par exemple, si vous avez est-ce que vous avez des exemples, toi, Lucie, quand vous conseillez les employeurs ou les salariés? Est-ce que y a des... Ou toi, Anas, dans le cadre de quand tu reçois, par exemple, des plaintes des salariés, comment vous pouvez justement anticiper pour éviter la survenance des risques psychosociaux? Ben, je pense, par exemple, on a une situation de harcèlement, un salarié vient se plaindre d'une situation de harcèlement à son employeur, il faut immédiatement qu'il diligente une enquête, par exemple avec le CSE s'il y en a un, essayer de comprendre ce qui se passe, qui est à l'origine du harcèlement, s'il y a vraiment harcèlement aussi également, et puis tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. Donc ça peut passer par la sanction du salarié qu'on estime être acteur du harcèlement. Mais si c'est que l'expression de crainte, parce que ça peut être aussi des ressentiments. Ouais. Est-ce que ça nécessite vraiment une mise à pied du salarié accusé? Non, comment on fait? Il faut quand même. Oui, mais pour aussi protéger l'autre personne qui se sent victime de harcèlement, comment on fait pour La frontière, elle est assez fine, mais il faut comprendre, voilà, déjà, si c'est une situation de mésentente, je dirais, ou plutôt de harcèlement pur, si c'est une mésentente, il faut essayer de dialoguer, de confronter les deux salariés éventuellement, et de mettre à plat les problèmes pour essayer qu'ils cohabitent encore en fait, tout le long de la relation de travail. Donc après, tout dépend de la situation exacte, j'ai envie de dire. Oui. Il faut vraiment dialoguer, en fait. Ouais, le dialogue, c'est quand même important. Oui. Et Anas, pour reprendre sur la... tu disais protection primaire. La prévention primaire. Oui, alors, prévention, que, pardon. Si tu viens effectivement d'expliquer, on est plus sur du secondaire, du tertiaire, ouais, c'est-à-dire oui. que... Je vous ai coupé trop tôt. A posteriori, quoi. C'est ça, voilà, a posteriori. En amont, par exemple, on peut avoir des indicateurs. Si on est sur des phénomènes, par exemple, de harcèlement, c'est en tant qu'employeur, à quel moment dans l'année, par exemple, on peut interroger assez fréquemment nos salariés sur comment ils se sentent au travail. Et dans un espace sécurisé, bienveillant, avec respect. Ça peut être directement avec leur manager, avec un interlocuteur peut-être comme la médecine du travail, ou alors la DRH, la direction des ressources humaines. Mais là, du coup, on est sur vraiment la prévention primaire, c'est qu'est-ce qu'on met beaucoup en amont comme indicateur ou comme moyen pour prévenir de ce D'accord. risque. Effectivement, quand c'est, entre guillemets, quand même pas suffisant, parce que par définition, un risque ne peut pas atteindre 0%, il peut quand même se produire, même si on maîtrise énormément ce risque. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'il y a le feu? Une fois qu'il y a le conflit qui est enlisé, qu'il y a la personne qui vient vous voir et qui vous dit je me sens harcelé, ça fait des mois, voire des années que ça dure, là ça devient trop, j'enchaîne les arrêts maladie, je viens vous voir. Et comment je fais pour Donc là, c'est ce que a dit Lucie, on fait une enquête interne, on met à pied... peut-être à titre conservatoire, la personne accusée. Ouais, éventuellement, ouais. Éventuellement. Voilà. Alors, il faut quand même qu'il y ait un minimum de preuves oui. pour que la mise à pied soit, à titre conservatoire, soit justifiée. Oui. Mais ouais, ça peut être déjà un premier moyen. En tout cas, il faut toujours commencer par une enquête, et oui. sans délai, quoi. Tout de suite s'interroger sur ce qui va, ce qui va pas, et comment on va résoudre ce conflit, ouais. pour éviter ensuite que ça nuise, en fait, également sur toute l'entreprise, oui. que ça retentisse, que ça fasse un effet d'échelle, quoi. Oui. Parce que, est-ce qu'il y a un troisième niveau ou pas? Oui, prévention tertiaire, donc après que le risque se soit réalisé, oui. comment on fait pour atténuer tous ces effets, quoi. Et donc là, ça peut passer par une échelle de sanctions disciplinaires ou... Oui, et puis il faut que le salarié qui est victime se sente également soutenu par l'employeur. Sinon, après, évidemment, il pourra lui reprocher. Oui, c'est sûr. Mais ça doit être dur pour un employeur qui, à la fois, n'a pas vu cette situation, parce que des fois, il y a des employeurs qui sont quand même très loin de... du terrain, oui. de ce qui se passe en entreprise. Sûr. Et donc, à la fois, il s'entend peut-être bien avec le N+2, mais qui s'en prend à un salarié. Oui. Et ça doit être difficile pour l'employeur d'articuler tout ça. Ah bah, c'est sûr, c'est des moments compliqués. Je voulais revenir sur l'accès à la médecine du travail. Est-ce que, vraiment, le salarié peut se saisir facilement de la médecine du travail pour, justement, peut-être se plaindre de certains risques psychosociaux auxquels il peut faire face? Je dirais à mon niveau qu'il y a deux cas de figure. Soit votre médecine du travail, elle est interne, c'est-à-dire que le médecin ou les infirmiers et infirmières au travail, ils font partie de votre entreprise. Et dans ce cas-là, il y a une certaine légitimité à pouvoir aller les voir facilement et eux, ils peuvent légitimement aussi intervenir. Donc plus de poids, je dirais, quand ils sont en interne. D'accord. Quand ils sont en externe, c'est-à-dire que voilà, vous avez une petite entreprise, vous allez voir le médecin du travail en dehors, c'est d'autres dispositifs que je connais moins. Mais du coup, en c'est fait, peut-être plus compliqué. Le salarié doit solliciter un rendez-vous, mais on le sait maintenant, il y a quand même des délais qui sont assez importants pour obtenir des rendez-vous, donc ça peut être plus compliqué. Donc c'est sûr, quand il y a un service en interne, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Maintenant, c'est en général les grosses entreprises, les grosses entités qui mettent ça en place. Donc quand on a une petite PME... Oui, donc ça ne les encourage pas forcément à se saisir et de... Évidemment, il peut faire une visite à la demande, il peut solliciter, mais il faut le rendez-vous effectif. Parce que, alors Lucie, tu vas peut-être te souvenir de qui a dit ça, mais là j'ai un souvenir de mes cours en droit social. C'est un sociologue, je crois, qui a dit que le travail ne doit pas être que source de souffrance. C'est forcément source de souffrance, mais ce n'est pas que ça, ça doit aussi être une réalisation sociale. Donc aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que beaucoup de salariés se plaignent de souffrir au travail. Mmh. C'est pour ça que je voulais aborder les effets néfastes. Donc pour vous, aujourd'hui, est-ce que l'articulation entre souffrance au travail et... épanouissement au travail, est-ce que la balance est équilibrée ou il y a plus une souffrance de manière générale par les... les salariés en France. J'ai l'impression quand même qu'il y a une explosion des maladies professionnelles. Donc c'est sûr que de ce niveau-là, enfin à ce niveau-là, on pourrait dire que la balance n'est pas équilibrée. On a de plus en plus de tableaux, on a de plus en plus de reconnaissances. Donc forcément, on peut se poser des questions. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'épanouissement, donc c'est compliqué. Après, c'est aussi parce qu'il y a une plus grande protection des salariés aussi, justement grâce à notre droit du travail en France. Ouais. Donc aussi, avant, il y avait moins de droits, donc les gens avaient moins d'accès à la protection justement des risques psychosociaux. Dernière question pour le volet philosophique. Il y en a beaucoup qui parlent des semaines à 4 jours ou alors à temps partiel. Est-ce que ça favoriserait l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle? Moi, je pense, sans aucun doute. C'est-à-dire que forcément, les salariés ont plus de temps pour eux, plus de liberté en dehors du travail, plus de temps pour faire des activités, etc. Donc forcément, ça ralentit le rythme et je pense que c'est que du positif. Et ça maintient dans l'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, tu es à temps partiel. C'est ce qu'on recommande vachement pour les seniors qui sont en fin de carrière. Il y a des accords collectifs qui sont signés et qui prévoient, si par exemple le senior demande à passer à temps partiel, et ben, l'acceptation automatique. Et donc ça permet au senior de préparer sa retraite tranquillement et de conserver son activité jusqu'à ce qu'il il l'arrête et qu'il liquide ses droits à retraite. Puis l'habituer aussi de beaucoup de travail à moins de travail et après plus rien. Enfin, j'imagine, Anas, du moins d'un point de vue psychologique, c'est quand même plus facile pour les salariés de passer de beaucoup, moyen à pas beaucoup. Et aussi, pour les salariés plus maintenant, les actifs, 18-62 ans, c'est aussi peut-être bien cette semaine à 4 jours parce qu'ils seront aussi efficaces dans leur travail et à côté, ils pourront développer leur propre épanouissement personnel dans leur vie privée. Je ne sais pas si vous avez testé ça dans votre... à la métropole ou... Alors, en ce moment, on est en train de déployer pour certaines typologies de métiers des rythmes différenciés où justement, il y a ces rythmes de 4 jours, 4 jours et demi, 4 jours une semaine sur deux, 5 jours l'autre. J'ai pas de difficultés personnelles d'un point de vue psychologique, on va dire, avec les semaines comme ça ou ces rythmes-là. Je dirais que le point de vigilance pour l'employeur, c'est est-ce que mon organisation de travail est adaptée? Est-ce qu'on a assez réfléchi à ça? Peut-être aussi il y a des conflits que ça pourrait générer en interne. Si on a juste un collègue dans un service qui passe à 4 jours et les autres qui restent à 5, il y a des choses à préparer. Ouais. Oui, ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, pour le coup, effectivement, il faut qu'il y ait une égalité entre les salariés. Donc, si on décide de passer à la semaine de 4 jours, il faut que ce soit pour l'ensemble, en fait. Sinon, ce n'est pas possible. Et puis, l'autre point de vigilance, je dirais, c'est évidemment respecter les durées maximales du travail. C'est-à-dire que si tu condenses ta semaine de 5 jours, donc 35 heures sur 4 jours, ça augmente la durée journalière. Donc, ensuite, il faut faire gaffe à ne pas dire le salarié a fait 10h30 aujourd'hui, c'est trop. Et c'est un manquement de l'employeur directement. Ah oui, donc il faut aussi surveiller ça. Et pareil, le repos quotidien de 11 heures, non ? Ouais, exactement. Donc, on a les durées max, sauf convention collective contraire, c'est 10 heures par jour qu'il ne faut pas dépasser. Effectivement, il faut 11 heures de repos entre chaque jour de travail. Et c'est vrai que pour l'employeur, ça doit être difficile de différencier, de justement trouver plutôt une harmonie plutôt que de différencier les rythmes de travail de chacun, parce qu'un tel peut dire moi je suis à 4 jours, moi pourquoi j'y ai pas le droit? Comment ça peut se justifier en pratique? Je pense qu'il faut que ce soit mis de façon collective, en fait, par accord collectif. Mais si les salariés sont pas d'accord, s'il y en a un qui préfère que ce soit 4 jours et l'autre 5 jours, comment ça peut se passer? Je dirais que ça peut cohabiter du moment, encore une fois, que c'est assez étudié, mais je te rejoins, Lucie, il faut que ce soit effectivement proposé à tout le monde et qu'après choix reste aux personnes. Est-ce qu'on reste sur 4 jours ou sur 5 jours avec d'autres rythmes aussi qui peuvent exister? Mais pour moi, la cohabitation est largement possible. Oui, parce qu'en fait, ça reste une modification du contrat de travail. Donc, les salariés doivent accepter, effectivement. Mais je pense qu'à la base, il faut partir d'une façon collective. Oui, en fait, c'est sinon, ça. C'est et pas après, il faut que ce soit proposé. Ouais. Alors, nous allons attaquer la question sociologique. Le travail et la mobilité sociale. Donc, la question, c'est est-ce que le travail est-il un vecteur d'émancipation sociale ou est-ce que ça maintient les individus dans leur classe sociale? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, le travail permet-il à un salarié de monter en classe sociale en France? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui un ouvrier peut encore évoluer au sein même de l'entreprise, ouvrier, employé, cadre, etc.? Est-ce que, selon vous, c'est encore possible, ça? Pour moi, oui, c'est encore possible, mais de ma courte expérience, j'ai plus observé des systèmes comme ça de monter sur des métiers techniques, où en fait, on peut vraiment plus facilement, je dirais, faire ses preuves et que ce soit directement visible, un gain pour l'entreprise. Quelqu'un dans la grande distribution qui montre assez vite des très bonnes qualités de rayonnage, de gestion, qui peut être repéré et après qui est accompagné à se faire monter en compétences sur des thématiques plus managériales ou stratégiques. Quelqu'un effectivement aussi dans une usine qui a des compétences techniques très poussées et qui arrive aussi à gravir les échelons jusqu'à occuper des postes à responsabilité. À mon niveau, c'est là où j'observe une possibilité. Et dans la fonction publique aussi. Dans la fonction publique, c'est plus codifié, c'est aussi possible. Je dirais que c'est plus linéaire et du coup, là où dans mon premier exemple, je suis plus dans le privé, on va dire pour la partie technique, je pense que dans la fonction publique, on peut aussi plus évoluer à la fois dans le technique et à la fois dans la filière administrative. Oui, puis avec l'ancienneté aussi, je crois qu'on gravit aussi des petits échelons. Et est-ce que toi, Anas, les salariés dont tu t'es occupé, tu sens qu'eux, ils veulent évoluer dans leur niveau de qualification ou ils veulent se maintenir et c'est aussi OK? Il y a de tout. Ça, là-dessus, c'est pas spécialement clivé. Y en a qui veulent rester dans vraiment leur domaine d'expertise et continuer de rester experts sans spécialement avoir de responsabilité en plus. Et ça, c'est pas plus mal aussi. Il y en a d'autres qui ont pas mal d'ambition et c'est bien d'en avoir. L'idée, c'est comment on peut aussi accompagner l'ambition dans les plans de carrière pour pas qu'elle soit démesurée. Comment on peut accompagner certains salariés à aussi réaliser peut-être des limites dans lesquelles ils peuvent se trouver. Et ça peut être à différents stades. Hein. Là, on peut parler du bas de l'échelle ou des gens qui ont déjà évolué, peut-être évolué trop vite et qu'il faut aussi accompagner à l'adaptation ou à prendre conscience de certaines limites. Oui, parce que j'imagine quand même que quelqu'un qui cherche à avoir des responsabilités et qui n'en a pas, ça peut aussi être difficile, par un manque de reconnaissance, pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans ce cas-là, comment l'employeur, lui, peut-il accompagner ses salariés pour monter en compétences? Éventuellement, de toute façon, il en a l'obligation, il y a une obligation de formation quand même. D'accord. Qui pèse sur l'employeur tout au long de la relation de travail. Donc l'obligation, ça peut passer par ça, déjà. Elle se manifeste comment, l'obligation de formation? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, l'employeur doit proposer à ses salariés des actions de formation, donc les accompagner pour monter en compétences. Et également, il doit réaliser tous les 2 ans des entretiens professionnels. Ça se fait maintenant vachement de faire des entretiens annuels. Ce n'est pas une obligation, sauf exception. Mais ça permet en fait chaque année de dire aux salariés, tu te vois comment dans 5 ans, de quoi tu as besoin, de quelles actions de formation tu aurais besoin, qu'est-ce que tu envisages, quoi. D'accord. Et de préparer en fait la suite de la carrière. D'accord. Et c'est efficace comme moyen en pratique? Alors, je n'ai pas assez de recul, mais je pense quand même que ça aide parce que ça cible quand même ce que le salarié souhaite vraiment faire, quoi. Et est-ce que le salarié peut venir se présenter auprès de l'employeur en disant j'aimerais monter en compétences, acquérir le niveau au-dessus de la convention collective? Il peut toujours le faire en demandant, ça c'est évidemment autorisé, de dialoguer en fait avec son employeur et de demander quelque chose. Maintenant, c'est au pouvoir de l'employeur, j'ai envie de dire. Je vais t'accompagner pour que tu montes à ce poste. Par exemple, ce qui est dans l'auto, on a les vendeurs auto, on a tout ce qui est chef, etc. Et donc, on peut accompagner le vendeur à un moment de sa carrière pour qu'il devienne le chef du site, le directeur de site, quoi. Pour revenir aussi à cette homogénéité entre les salariés, si par exemple, il y en a des salariés sur un même poste, donc il y a 2 salariés qui ont le même niveau de qualification et ils veulent tous les 2 prétendent, par exemple, à la qualité de chef de vente, par exemple. Comment l'employeur peut-il choisir entre les 2? Il y aura toujours, je pense, quand même quelques éléments qui pourront permettre à l'employeur de trancher sans faire de discrimination. Il y aura l'ancienneté qui va jouer. Il y aura les qualités professionnelles, les compétences que le salarié présente. Ça va quand même lui permettre de fonder son choix. Maintenant, tant qu'il ne rentre pas dans une phase de discrimination qui est évidemment prohibée, s'il justifie bien son choix, il n'y aura pas de souci pour... D'accord. Mais évidemment, je pense que les situations sont rarement exactement les mêmes. C'est possible. Oui, il y a toujours un critère peut-être qui permet qui de distinguer. Qui va en fait, exactement. Et il y a des critères prévus par la loi ou... Non, c'est vraiment... Non, au bon vouloir de l'employeur, mais tout en respectant certains critères objectifs. Dans ce cadre de non-discrimination, en fait. Oui, c'est ça. Et d'égalité de traitement. Ouais. Et Anas, toi, est-ce que tu as, par exemple, une situation comme ça, un peu conflictuelle, entre 2 salariés qui souhaitaient monter en compétences et il n'y en a qu'un qui a été privilégié parce qu'il n'y avait qu'une place disponible? Ou alors juste une situation de concurrence aussi entre salariés. Comment tu peux manager ça en tant que psychologue pour faire accepter la situation? Je dirais que ça dépend comment se projettent vraiment les salariés et un petit peu l'ambiance dans l'équipe. Si on parle de deux personnes qui sont dans la même équipe et qui convoitent le poste d'un de leurs supérieurs qui lui aussi est monté d'un cran, ça implique par exemple de devenir le supérieur de l'autre collègue. Soit c'est deux personnes qui s'entendent et voilà, c'est une compétition mais relativement saine. Soit effectivement il y a conflit, il n'y a qu'une seule place et ça va être des choix aussi personnels. Si les critères de discrimination effectivement sont bien pris en compte pour que la décision soit éclairée, que l'employeur fait son choix, et ben la personne qui restera devra aussi faire un choix. Est-ce que je me sens à l'aise de rester en ayant entre guillemets perdu avec un collègue qui devient mon chef, ou à l'inverse, est-ce que je fais effectivement le choix de partir? Oui, parce que c'est vrai que, bon, je déborde un peu, mais la situation de concurrence au travail, est-ce qu'elle existe encore? Parce que je sais qu'avant, c'est... Oui, je pense. Bon, je suis pas sur le terrain, mais... Elle existe encore, oui. Elle existe. Et ça doit être... Enfin, comment l'employeur peut faire en sorte que ce soit fait de manière saine? Je dirais que c'est pas quelque chose qui peut être géré du jour au lendemain si on commence à l'observer dans un service. Il faut vraiment accompagner les managers de proximité à comment ils peuvent... influer sur la dynamique d'équipe et le quotidien. Et ça, c'est comme planter des petites graines, les arroser et récolter le fruit. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare, mais il faut s'y mettre dès qu'on commence à avoir des dérives dans une dynamique d'équipe. Et donc, question sous-jacente, est-ce qu'aujourd'hui, un Français peut-il vraiment librement choisir son travail dans la réalité, sur le terrain? Par exemple, comme évoqué, est-ce que, par exemple, je sors d'un master un peu général en informatique, est-ce que je suis sûre de trouver un travail dans mon domaine ou pas? Je dirais qu'aujourd'hui, le marché du travail, quand on est jeune diplômé, on en entend pas mal parler dans les actualités, c'est assez compliqué parce qu'on est beaucoup peut-être à avoir pris les mêmes spécialités ou les mêmes thématiques. Tu parles effectivement de l'informatique. Il y a quelques années, quand on était plus jeune, au collège, au lycée, on nous disait « Allez tous dans l'informatique ». Aujourd'hui, ils y sont tous. Voilà. Oui. Donc, c'est peut-être plus... Il y a plus de concurrence aussi. Ouais. Il y en a plus aussi, effectivement. Il y a des milieux qui sont quand même... qui sont bouchés, quoi. Oui. Donc, la communication, tout ce qui est info, informatique, oui, etc. Quoi. J'imagine. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut leur offrir à ces personnes-là qui s'imaginaient accéder à un travail et au final, ils galèrent à trouver le travail de leur rêve? Je dirais que c'est pas une... Alors, c'est simple à dire comme ça, mais que ce serait pas une finalité en soi si le premier job, c'est pas le job cohérent avec nos études. Peut-être que ça arrivera dans un deuxième job, peut-être un an après, deux ans après, ou dans une deuxième partie de carrière. Peut-être qu'on fera de belles surprises et qu'on découvrira un autre métier qui peut nous faire plaisir aussi, dans lequel on peut s'épanouir. Oui. Ça, c'est la réponse facile. D'accord. Demain, je sors d'un master de psycho, je galère à trouver pendant un an pour faire complètement autre chose. Je vais forcément passer par une phase pas simple pour moi, en me disant bah mince, qu'est-ce que... J'ai fait 5 ans, ça a servi à quoi en fait? Oui, c'est ça. Et ça, je ne sais pas si on a aujourd'hui des dispositifs pour accompagner les personnes qui sont dans des contextes comme ça, une fois qu'ils sont sortis de l'école. Mmh. Est-ce que peut-être il n'y a pas quelque chose au niveau national qu'on pourrait développer? Je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser dans les années à venir, de l'évolution du travail. Oui, parce que, par exemple, France Travail va proposer des postes qui peuvent éventuellement correspondre aux attentes des personnes, mais encore faut-il pouvoir être inscrit à France Travail au préalable. Donc, avoir éventuellement travaillé, etc. Quoi. Oui, et puis il y a aussi, je ne sais pas si ça peut aider, mais l'alternance aussi, ça permet déjà quand même une insertion professionnelle, d'avoir une ligne dans le CV. Et puis, si tu commences en alternance, moi, c'était un peu mon cas, on peut te garder après. Oui, c'est ça aussi. Ou te recommander auprès d'autres employeurs. Oui, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Oui, donc voilà. Et donc, justement, ça me permet de bifurquer sur la question juridique. Donc, il y en a deux. Mais on va commencer par la première. Le travail est-il un droit ou une obligation? Parce qu'on disait que faut-il être inscrit à France Travail pour bénéficier aussi donc, des bénéfices. Et par exemple, le droit au chômage, il faut travailler avant. Et donc, pour illustrer cela, c'est pour illustrer ma question que je dis ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille plus parce que c'est un droit ou parce qu'on est aussi obligé? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse figée. C'est-à-dire que notre Constitution, elle dit que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Donc la Constitution dit bien voilà, que chacun a le droit d'obtenir un boulot. Maintenant, évidemment, en pratique, il n'y a pas de droit créance envers l'État. Tu ne peux pas dire, voilà, vous me garantissez un droit au travail, j'en ai pas, vous m'en donnez un demain. Ce n'est pas possible. Oui. Donc, il n'y a pas de droit créance. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont mises en place par l'État, par le Parlement, pour justement essayer de garantir au mieux ce droit. Donc, notamment, tout ce qui est, bah, par exemple, pour les gens qui sont déjà en emploi, des moyens de conserver cet emploi, donc des procédures de licenciement qui sont quand même assez strictes, oui. Voilà, et des droits, par exemple, comme on l'a dit, bah, l'alternance, etc. C'est quand même des façons, en fait, de justement de garantir ouais, l'emploi. Exactement. Ouais. Et si demain je veux pas travailler, ouais. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité qui s'offre à moi? Ben, t'as pas un devoir sanction, c'est-à-dire que t'es pas obligé foncièrement de travailler. Maintenant, t'es quand même censé pouvoir subvenir à tes besoins. Oui, donc, c'est ça. Il y a une obligation d'abord financière et alimentaire, quoi. Oui. Et une obligation, je dirais, morale dans notre société qui pèse un petit peu sur chacun. Voilà, parce que, évidemment, si tu travailles pas, t'es vite stigmatisé. C'est vrai. Donc, il y a quand même une petite obligation qui pèse sur chacun de nous. Anas, t'en penses quoi de ça? Est-ce qu'il y a une injonction un peu sociale à devoir travailler? Bah, je rejoins Lucie sur le fait que bah, à un moment il faut subvenir à ses besoins, donc ça me paraît difficilement envisageable de se dire sur toute une vie je ne vais pas travailler. Oui. Après il y a peut-être, moi ça me fait penser à des personnes qui ont des projets d'autosuffisance aussi, ça se qui aimeraient se développer là-dessus. Techniquement elles travaillent pour être autosuffisantes. Après voilà. Oui, c'est... le travail en tant qu'effort, en tant que participation à la collectivité. Ouais. C'est ça. Après, de là à parler d'injonction, je sais pas spécialement. Ouais, moi je dirais pas. Enfin, il y a une injonction un petit peu sociale, il y a pas une injonction légale. Après, voilà, il y a aussi des personnes qui sont dans l'incapacité de travailler, par exemple en raison d'un problème de santé, qui sont porteurs d'un handicap et qui sont dans l'incapacité vraiment de travailler. Il y a aussi des gens qui vont s'occuper, donc c'est ce qu'on appelle les proches aidants, de leurs proches qui présentent voilà, des difficultés, par exemple bah, également un handicap, et qui vont devoir en fait rester à la maison et s'occuper de ces personnes. Donc ensuite, effectivement, elles peuvent ne pas du tout avoir le temps d'occuper un emploi qui est rémunérateur. Oui, et dans ce cas-là, ces personnes-là, est-ce qu'elles ont des aides? Est-ce qu'on peut quand même essayer d'adapter une forme de travail? Comment ça se manifeste? Il faudrait que ça se développe de plus en plus. Par exemple, on pourrait envisager que dans quelques années, on reconnaisse pour ces personnes des droits à la retraite, etc., en fait, pour se constituer des points. Parce que pendant 5 ans de ta vie, tu as aidé un proche comme un temps plein, en fait. Oui, c'est ça. Parce que dans notre vie privée, forcément, des fois, on a des accidents de vie qui nécessitent ensuite qu'on s'adapte, qu'on adapte notre travail et qu'on adapte à la fois notre vie professionnelle, notre vie privée et notre vie professionnelle. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, avoir un temps plein et s'occuper d'un proche qui souffre et qui nécessite d'être alité, imaginons, comment on fait aujourd'hui? Ouais, c'est très compliqué, quoi. Donc c'est pour ça, il y a pas mal de solutions qui se développent à l'étranger, mais je crois qu'en France, on est quand même un petit peu à la bourre. Mais est-ce qu'il y a quand même des discussions? Pour la partie proche aidant, j'ai pas spécialement de recul, mais on évoquait par exemple les personnes qui ont des accidents de vie, qui les amènent à avoir un handicap ou qui naissent avec un handicap. Là-dessus, on peut avoir des procédures de reclassement en interne, c'est-à-dire qu'une personne a développé telle maladie en lien ou non avec le travail, on accompagne à un reclassement ou à une mobilité, le cas échéant si la personne n'est plus apte physiquement ou mentalement à son poste, ou alors on essaye d'aménager le poste. D'accord. Et ça se fait avec un ergonome, un médecin du travail, un infirmier, un psychologue. On a aujourd'hui des moyens de le faire. Maintenant, sur la partie juridique, j'ai pas spécialement d'éléments de à quel point ça peut être obligatoire ou pas pour un employeur de le faire. Ouais, alors en fait, quand tu as été en arrêt de travail pendant un certain temps, l'employeur est obligé de te convoquer à une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Donc là, tu as un temps où tu discutes avec le médecin du travail, qui t'examine aussi bah, physiquement, qui va décider si tu es alors, soit apte à reprendre ton poste, soit apte avec réserve, c'est-à-dire qu'il va falloir faire quelques aménagements, soit inapte. Ensuite, il y a inapte avec dispense de reclassement et inapte avec obligation de reclassement. quand t'es dispensé de quand l'employeur pardon est dispensé de reclassement, ça veut dire qu'il a le droit en fait de licencier le salarié tout de suite après mise en place évidemment de la procédure légale. Maintenant, quand il est quand le salarié est jugé inapte avec obligation de reclassement pour l'employeur, l'employeur doit en fait essayer de chercher à construire un poste par exemple, ou simplement à lui proposer un poste qui est déjà existant en interne, mais d'adapter le salarié à ce poste. En pratique, j'avoue qu'on voit très rarement des solutions de reclassement qui sont proposées. Mmh. Sauf dans les groupes, peut-être. Oui, parce qu'en fait, dans les groupes, ils proposent des emplois, par exemple, qui seront dans une filiale. Maintenant, ça veut aussi dire parfois un bouleversement de vie pour le salarié qui habitait à Nancy et qui se voit proposer un poste. À Strasbourg, même encore plus loin. Au sud ou n'importe où. Donc, c'est des questions qui vont se poser pour lui. Il peut évidemment refuser. Oui. Et dans le pire des cas, si le salarié est licencié, après, il va donc être pris en charge par France Travail. Oui. Et imaginons, dans tous les cas, il est déclaré inapte à tout poste, mais en même temps, il a une affection longue durée. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a des aides de la caisse? Oui, il sera indemnisé un certain temps. Alors, ça dépend s'il est encore placé en arrêt de travail ou non. Il aura déjà les aides de France Travail. Et éventuellement, effectivement, s'il est en arrêt de travail, il pourra aussi avoir des aides à ce niveau-là. Mais ça restera jamais aussi rémunérateur que son emploi d'avant. De base, oui. Mais est-ce qu'en France, il y a quand même un droit assez protecteur quand même pour des personnes dans ce genre de situation par rapport aux autres pays? J'avoue que je ne peux pas dire si c'est assez protecteur ou pas. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'est jamais dans la situation des gens qui perdent leur boulot parce qu'ils sont déclarés inaptes. Ça peut aussi être une inaptitude d'origine professionnelle, donc suite à un accident au travail, une maladie pro. Et auquel cas, je pense que tu te sens quand même assez mal de dire « j'ai eu un accident qui est la faute, pas vraiment, mais qui peut être la faute de mon employeur. En tout cas, je l'ai subi du fait de mon travail. » Voilà, exactement. Et donc ensuite, je perds mon travail à cause de ça. Je pense que c'est aussi très compliqué à vivre. Quoi. Oui, il y a l'impact psychologique, j'imagine. Alors, je voulais juste parler également des travailleurs indépendants. Parce que eux, ils sont, dans la théorie, ils sont libres de choisir leur emploi. Mais par contre, une fois qu'ils perdent leur emploi, ils n'ont pas beaucoup d'aide par rapport aux salariés qui, eux, bénéficient du chômage. Comment on peut parler de liberté de travail avec des travailleurs indépendants si derrière, il n'y a pas trop de protection? Sachant qu'il y en a de plus en plus qui veulent en plus faire... du travail indépendant. Ouais, alors c'est sûr que c'est quand même des catégories vulnérables de personnes, puisque effectivement, pas de droit au chômage. Ce qui est par exemple profession libérale, t'as pas le droit à ton congé maternité si tu tombes enceinte. Donc il y a quand même une protection très très limitée pour cette catégorie. Là en France, on a, même au niveau de l'Union européenne, vous avez sûrement dû entendre parler des travailleurs de plateforme. On a une directive qui va faire basculer un petit peu les choses. Travailleurs de plateforme, c'est les systèmes de Uber. Ouais, exactement. Donc en fait, t'as une plateforme qui permet de faire l'intermédiaire entre le prestataire et le donneur d'ordre. Et donc, par exemple, les livreurs Uber, Deliveroo, que vous voyez tous les jours à vélo dans Nancy. Et là, aujourd'hui, on est sur une présomption de non-salariat. C'est-à-dire que ces personnes, automatiquement, en fait, sont considérées comme travailleurs indépendants. Mais dans les faits, parfois, on a en fait un lien de subordination. Cela implique qu'en fait, on devrait les reconnaître en tant que salariés et donc bénéficiaires de notre droit protecteur du travail français. Et donc là, on a une directive qui a été adoptée par l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, en novembre 2024, qui va prévoir en fait une inversion de cette présomption. On va tomber sur une présomption de salariat. Et donc, on va devoir nous adapter avant fin 2026. D'accord. Donc, c'est pas immédiat, mais ça veut dire que tous ces travailleurs de plateforme, par exemple, et donc pourront bénéficier de cette présomption de salariat. Mais ça va tout changer parce qu'ils vont bénéficier de tout ce qui est sécurité au travail. C'est ça, l'employeur devra apporter la preuve que ses salariés ne sont pas liés par un lien de subordination. D'accord. Donc ça renverse la charge de la preuve. Maintenant, si l'employeur pourra prouver ce non-lien de subordination, ils resteront travailleurs de plateforme indépendants. Mais donc, en pratique, ça va, les plateformes vont quand même continuer de les embaucher en tant que travailleurs indépendants. Il faut aller en justice pour que la présomption soit Alors, tout dépend de comment le texte sera adopté par notre loi, en fait. D'accord. Enfin, voilà. D'accord. Donc, c'est affaire à suivre. Voilà, exactement, on en reparlera. D'accord. Ensuite, je voulais conclure avec une question qui, aujourd'hui, fait également débat. C'est, est-ce que, dans notre société, ou du moins en France, on peut accepter tout type de travail, donc y compris que ce soit un peu un travail controversé, tout ce qui peut toucher par exemple le travailleur du sexe, mais également tout ce qui est un peu les métiers qu'on dit qui ne sont pas rémunérés. Je ne sais pas s'il y a un qualificatif pour ça, mais par exemple être femme au foyer ou être bénévole. Est-ce qu'aujourd'hui, comment dire, on pourrait accepter tout type de travail ? D'un point de vue légal, ça je ne vais pas me positionner. D'un point de vue plus, on va dire... psychologique, sociétal. Je dirais que l'acceptation ne doit pas spécialement venir des deux autres, même si effectivement elle influe énormément, hein, tous les stéréotypes qu'on peut avoir à certains métiers. Et on parlait en introduction, dans la première question je crois, le lien entre l'identité sociale et le travail. Aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on est prêt à accepter tous les travails, sachant qu'ils ont un lien assez resserré avec l'identité? Je pense que c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est compliqué. C'est pas impossible, mais il faut avoir on va dire une personnalité pour bien encaisser les stéréotypes. Oui, c'est ça, j'imagine. Et aussi, faut, d'un point de vue plus juridique, il faut quand même que ça respecte la dignité humaine. Je me souviens d'une affaire du lancer de nain. Oui, le fameux arrêt du Conseil d'État de Morsan-sur-Orge de 95, effectivement, qui avait interdit, en fait, qui avait confirmé, les arrêtés du maire qui interdisaient le lancer de nain dans une discothèque. Oui. Effectivement, c'est des points qui portent atteinte à la dignité humaine. Oui, mais si pour la personne qui est naine, elle est d'accord avec ça, pourquoi on lui interdit ? On lui interdit... Parce qu'en fait, ça touche plus que la personne en elle-même, c'est-à-dire que c'est une atteinte à l'ordre public. Oui, c'est ça. Donc, trouble à l'ordre public égale interdiction. On ne peut pas tolérer ça. Après, évidemment, elle pourrait, dans un cadre privé, accepter de le faire. Oui, complètement. Mais elle ne peut pas être rémunérée pour ça. Donc, il y a quand même un peu, le droit à un travail digne, en fait. Exactement, oui. Qui peut être un peu d'ordre public, social. Voilà. Et pour tout ce qui est un peu métier, donc comme on disait, femme au foyer, bénévolat, proche aidant, comment mettre ça en place ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt en France à peut-être envisager de payer ces personnes-là ? Je pense qu'on n'est pas prêt. Mais évidemment, dans un futur plus ou moins proche, je pense que ce serait bien. Parce qu'il y avait un rapport d'Alain Supiot qui préconisait justement des droits de tirage sociaux où en fait, tu avais des périodes de ta vie où tu te consacrais au salariat et d'autres périodes où tu te consacrais par exemple à des activités bénévoles ou des activités justement non marchandes en fait. Et, économiquement, est-ce que c'est viable ? Pour l'instant, je ne pense pas. Ouais. Maintenant, dans un futur, peut-être. Oui. Peut-être qu'on instaurera ça, quoi. Et d'un point de vue plus psychologique de l'individu, est-ce que lui le verrait comme un travail et auquel cas, peut-être, ça le stresserait un peu plus ? Par exemple, parce qu'aujourd'hui, faire du bénévolat, on va dire que ça relève un peu du côté agréable, parce que c'est dans sa vie privée, mais le rendre un petit peu plus côté travail, est-ce que ça n'enlèverait pas justement la valeur du bénévolat ? Bon, ça existera toujours, mais... Je dirais qu'à ce niveau-là, on est plus sur une question peut-être un peu plus philosophique ou éthique. Je dirais que du point de vue psychologique, si on reste sur la thématique du travail, du moment que ça remplit un certain sentiment d'utilité, de sens, et qu'on y voit une valeur ajoutée, ça reste intéressant. Après, pour le bénévolat, je crois qu'il y a des types de bénévolat où on peut être rémunéré. Ou indemnisé. Indemnisé pour certains cas particuliers. Dans l'associatif, il y a des choses qui existent. Bon, à revoir là-dessus, je ne suis pas expert. Pour la partie foyer, je dirais qu'aujourd'hui, ça mène aussi un autre débat. C'est-à-dire qu'il y a, dans les jeunes générations, cette question de est-ce qu'on est obligé d'avoir des enfants, d'élever des enfants ? Donc, il faut voir si c'est des questions qui vont avoir du sens dans les années à venir, en fonction aussi de toutes ces évolutions sociétales. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Et merci à toi. Merci pour l'invitation. J'espère que ça vous a plu. Oui. Merci.